Take me away, take me away. This love's on fire, but take me higher. Take me away, take me away. This love's on fire, but take me higher. Je vis au jour le jour, je sais plus quel jour on est. Je vis ma vie de débauche depuis que l'on s'est laissé. J'ai des mémoires de toi qui courent les cheveux au vent. L'amour m'emporte à finir par plus voir le soleil brillant. J'ai peur du futur, j'ai pas trop vers où je m'en vais. Je crains le pire, c'est stress qui parle, oui c'est ma vie à moi. J'ai qu'on s'est perdu de vue, pis ça c'est pas la première fois. Chaque fois j'entends ton nom ou je pense à toi, j'ai le cœur qui débat. J'suis pas quétaine en amour, je dis juste ma façon de penser. Si t'es pas d'accord avec moi, pas obligé de m'écouter. Avant de commencer à critiquer, écoute ce que j'ai à compter. Je suis comme une fleur toxique, je suis trop gentil, puis on me prend souvent pour acquis. J'ai pas trop compris, tu seras jamais à mes côtés. J'essaie de me forcer à essayer d'oublier, mais ça me fait mal en dedans. J'ai juste plus trop sur qui compter. Chaque fois que tu refais surface, j'ai juste envie de me péter la face. Ouais. Take me away. This love's on fire, but take me higher. Take me away. Take me away. This love's on fire, but take me higher. Au lieu de ruminer, moi je préfère plus oublier. Pour penser à autre chose, on dirait que j'aime mieux me scraper. Mais je pourrais pas enlever tout l'amour que j'ai pour toi. Deuxième fois, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais moi, mon écriture ne fait que plus s'aggraver. J'ai peur de dire je t'aime pour pas me refaire briser. T'as fait la conne pis tu le sais. J'ai fait le con pis je le sais. Si on s'est laissé tomber, c'était mieux de même pis ça je le sais. Hey, mais pense pas, tu vas être dans ma tête pour toujours. Les amours poussent, c'est plus repos, ça meurt, ça s'envole comme tes cheveux au vent. J'm'excuse si j'suis ben off. J'aimerais pouvoir faire mon tough, mais je file pas trop live. J'aimerais que ça soit un rêve. Yeah. J'aimerais que ça soit un rêve. Yeah. J'aimerais que ça soit un rêve. Take me away. Take me away. This love's on fire, but take me higher. Take me away. Take me away. This love's on fire, but take me higher.